Combien de verbes y a-t-il dans cette phrase? Je me suis dit, mais ce qu'il faut faire, c'est créer une école. Je déclare le conseil ouvert. On ne se moque pas, on écoute celui ou celle qui parle, on demande la parole, la priorité sera donnée à ceux ou celles qui parlent de moi. Je donne la parole à... Bienvenue dans le podcast Grandir, l'éducation en mouvement. Un podcast qui vous raconte la création d'une école, Lab School Paris. Un podcast qui a pour ambition de partager des savoir-faire, des expériences et des connaissances dans le domaine de l'éducation. Un podcast à destination des enseignants, des professionnels de l'éducation et de toute personne s'intéressant à ce sujet. Nous le savons désormais, nombre de métiers qui existent aujourd'hui vont être amenés à disparaître, tandis que les métiers de demain n'existent pas encore. Le numérique transforme nos vies et notre rapport au monde. Le rôle de l'école n'est pas seulement d'enseigner des contenus, mais aussi de savoir-être, pour donner aux jeunes les moyens de développer pleinement leur potentiel. Leur apprendre à apprendre tout au long de la vie, tout en développant leur créativité, leur esprit critique et leur capacité de discernement. Dans cet épisode, Philippine Wattier, enseignante en cycle 2 à la Lab School Paris, nous explique l'organisation qui a été mise en place pendant cette période de confinement. Elle revient sur les outils et les pratiques qui ont fonctionné. Elle nous parle des difficultés rencontrées, mais aussi des aspects positifs et de tout ce que cela va changer pour inventer l'école de demain. Et donc il y avait vraiment ce sentiment de... panique, dans quelques heures je vois plus mes élèves pour un temps complètement indéterminé et donc comment faire quoi. On avait eu des conversations à l'école sur le confinement juste quelques jours avant et le mercredi je disais mais non, ils vont jamais fermer les écoles, c'est pas possible. Et le jeudi je m'aperçois qu'en fait c'est possible parce que c'est en train de se passer dans les autres pays à côté. Et le jeudi soir donc j'écoute le président et là mais je me mets directement derrière mon ordinateur et je me dis bon alors qu'est-ce que je vais faire. Et j'ai fait un programme de 2 semaines pour la lecture pour mes CB parce que je me suis dit qu'il fallait un guide pour les parents et donc j'ai bossé jusqu'à 23h pour avoir déjà en fait un petit support pour les parents pour les premiers jours. Et donc il y avait vraiment ce sentiment de panique, dans quelques heures je vois plus mes élèves pour un temps complètement indéterminé et donc comment faire quoi. Je me suis dit que en fait qu'on allait rester longtemps sans pouvoir travailler à l'école. Donc la première étape, c'était dans l'immédiat, réactivité totale pour que les parents puissent avoir de quoi travailler pour la semaine qui arrivait. Donc le premier week-end, on a travaillé chacune de notre côté avec Gabi pour en fait continuer les apprentissages qui avaient été commencés lors du début de la période. Donc c'était plus mettre en ligne des exercices, on a créé un Google Drive en fait en rangeant par matière pour que voilà les parents ils puissent savoir comment se repérer. Donc ça c'était la première semaine. Après tout de suite on s'est dit bon maintenant on a fourni tout un tas de trucs aux parents, comment est-ce que eux ils réagissent à la maison? Parce que la première semaine, on n'avait pas forcément beaucoup d'échanges avec eux, même si on avait dit qu'on était disponible à n'importe quel moment, par Skype, Ils n'ont pas fait beaucoup de retours dans un premier temps. Donc nous, on a, avec Gabi, on a rédigé un mail pour avoir un feedback sur des points précis. Donc est-ce qu'à la maison, ils sont équipés en termes d'imprimantes, est-ce qu'ils ont envie de plus de jeux en ligne parce que c'est un côté ludique, est-ce qu'ils trouvent qu'il y en a trop parce que les écrans pour les petits, c'est pas non plus l'idéal. Est-ce qu'ils arrivent à se repérer dans ce Google Drive qu'on a fait ou est-ce que c'est trop confus? Donc il y avait plein de choses comme ça. Est-ce qu'ils veulent une organisation à la semaine ou plutôt quotidienne? Et puis ça nous a permis aussi de pouvoir tout de suite réajuster et pour correspondre au plus proche de ce qu'ils avaient envie. Malheureusement, enfin, je ne sais pas si je pourrais dire malheureusement, mais ils avaient tous des attentes très différentes et des besoins en fait. Plutôt que des attentes, ils avaient tous des besoins très différents parce que leurs enfants sont très différents, parce que leurs conditions de confinement étaient très différentes entre ceux qui sont à Paris dans un appartement sans extérieur et ceux qui sont partis à la campagne avec un jardin, peut-être parfois avec des cousins aussi, et qui du coup, voilà, non, ils n'avaient pas du tout les mêmes demandes. Donc on a essayé de faire un peu en fonction de la majorité comme on fait en classe et puis en fonction de ce que nous on se sentait de faire. La proposition de Philippine et Gabriel, je trouvais, était très adaptée au niveau du temps passé. Il y avait aussi des activités optionnelles qu'on faisait pas forcément, mais la base qu'elle proposait, je trouvais, au niveau du temps passé, était très adaptée. Quand elles ont vu que Margot faisait un petit peu trop facilement des activités, peut-être s'ennuyait, elles ont tout à fait adapté le programme. Et on peut piocher en tant que parents dans ces propositions. Elles nous ont en même temps rassurées en nous disant que les choses qu'on n'avait pas le temps de faire, c'était pas du tout grave, et on s'est senti en tant que parents très très zen par rapport à ça, sans pression. On a quand même eu beaucoup de chance, à savoir que tous les parents étaient équipés d'au moins un ordinateur. Alors comme on a des élèves assez jeunes quand même, entre 6 et 9 ans, clairement on les fait pas travailler sur l'ordinateur en classe, donc ils ont pas besoin d'un ordinateur par enfant, parce que sinon ça aurait pas été possible. J'ai utilisé l'ordinateur, vraiment plus souvent qu'à l'école, parce que l'école on en a pas du tout besoin. On a voulu aussi organiser finalement le travail à la semaine parce que on voulait permettre cette flexibilité aux parents de s'organiser comme ils le souhaitaient par rapport justement à leurs contraintes personnelles et à leur travail en fait, tout simplement. Donc on n'a pas eu trop de difficultés par rapport à ça. Et après, par rapport aux différentes conditions, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a vraiment différencié en fonction des retours des parents. Donc moi, par exemple, au bout d'une semaine, j'ai une maman qui m'a dit « Oui, mais c'est très dur, mon enfant, il pleure, il fait des crises parce qu'il a pas envie de se mettre au travail, j'arrive pas à lui expliquer, etc. » Et donc je lui ai dit « Bah, pas de problème, au début, on faisait peu de sessions en ligne. » Et donc je lui ai dit « Mais moi, j'ai plein de temps, si vous voulez, on s'appelle tous les jours et puis je peux faire la leçon de maths et un petit peu de lecture avec votre enfant. » Donc c'est ce qui s'est passé et c'était super. Et au bout de 10 jours, la maman m'a dit « C'est bon, j'ai bien compris comment vous travaillez maintenant. Voilà, pour les maths, ce sera mon mari parce que ça va mieux avec mon mari, mais pour le reste, je peux m'en occuper. » Donc voilà, on fait comme ça. Donc c'était super. Il y a des parents, c'était plus des retours par mail. Il y a d'autres parents qui demandent pas en fait. Mais on a eu la chance aussi d'avoir des nouvelles de chacun de nos élèves. Alors, est-ce que ça a changé notre rapport aux parents? Je pense que ça n'a pas tant changé que ça, parce que en effet, à la Lab School, on a des rapports très privilégiés avec les parents. Il y a une relation de confiance qui est établie dès le début, et donc il y a beaucoup de dialogue. Donc les parents avec qui on communique beaucoup, qui sont très en demande, et ben ça continue en fait en ligne. Et puis ceux qui le sont moins, et ben c'est pareil en fait en ligne. On a vraiment constaté que ce soit avec les parents ou avec les enfants, on retrouve en fait les mêmes personnalités et le même rapport, que ce soit en ligne ou en présence. Mais peut-être que ça l'a davantage amplifié. En tout cas, du point de vue des parents, il y a eu un grand changement quand même parce qu'on donne pas de devoirs à la lab school. Et donc ils ont pas vraiment d'aperçu au quotidien de ce que font leurs enfants. Et ça c'est vraiment quelque chose qui a changé parce que ils savent exactement ce que font leurs enfants et ce qu'on leur enseigne. Et là on leur a demandé d'être une vraie béquille et de prendre un peu le relais. J'ai l'impression que durant cette période, en étant beaucoup plus impliqués en tant que parents dans les apprentissages, par la force des choses, on avait quand même une communication avec les enseignants, les enseignants plus poussés sur le suivi. Où est-ce qu'en est votre enfant? Est-ce qu'il a besoin de plus? Est-ce qu'il a besoin de moins? On a senti une adaptation, une personnalisation des enseignements très poussée de la part des enseignantes. Et aussi, ce que c'est bien, c'est parce que, en fait, on peut travailler quand on veut et on peut prendre son temps. Moi, ça m'a beaucoup plu de me rapprocher, d'être plus présente dans ces apprentissages. Ça satisfait ma curiosité de parent. Et voilà comment t'as trouvé, toi, Margot, de faire l'école avec maman et avec Lara. Bah, l'école à la maison, c'est un peu bien. Mais en même temps pas bien parce que la maîtresse, elle n'est pas là pour nous expliquer et tout. C'est plus ma sœur qui m'explique comment faire parce que sinon mes parents ils travaillent et tout. Moi je trouve que vous vous entendez mieux depuis le confinement avec ta grande sœur. Oui, c'est vrai parce que en fait on peut pas partir quelque part d'autre ou en bas. Alors, au niveau des supports, on n'a pas fait de grandes découvertes en termes de numérique parce que dans notre classe, cette année, on n'en a pas du tout utilisé. On n'avait même pas de tableau numérique. Donc il y avait vraiment, on avait quelques tablettes et les enfants avaient quelques applications pour travailler en autonomie sur la lecture. Mais on l'a très peu utilisé en classe. Et donc là, comme on a dû réinventer l'école à distance en l'espace d'une nuit, on a été au plus simple. Moi, j'ai demandé à Pauline, qui est l'enseignante de cycle 3 et qui connaît bien tout ce qui est un petit peu informatique. Je lui ai dit, à ton avis, pour des cycles 2, qu'est-ce que tu penses qui est le plus facile d'utilisation? Est-ce qu'on se lance dans Padlet ou quelque chose comme ça? Et elle a dit, pour les cycles 2, autant faire un drive. Parce que c'est les parents qui de toute façon circulent dedans. Donc c'est vrai qu'on s'est lancé sur le drive et on a découvert ses avantages, savoir que c'est très simple d'utilisation, c'est comme un fichier sur un ordinateur. Et ses inconvénients, c'est que quand moi je crée le fichier, c'est organisé selon ma façon et que ma façon est pas forcément hyper lisible. Pour tous les profils quoi de parents, il y a certains parents pour qui s'y perdaient un petit peu. Moi, ça me paraissait clair et voilà, on a eu des retours où peut-être que pour certains, ce n'était pas assez clair. Mais après, c'est sûr que ça nous donne envie d'aller vers d'autres outils maintenant, mais on ne peut pas en cours de confinement changer d'outil. Clairement pas. Déjà, on n'a pas vraiment le temps de se former à quelque chose d'autre. Et par ailleurs, c'est trop de réadaptation de la part des parents. Donc notre outil, il est pas parfait, mais en tout cas, je pense que tout le monde a réussi à maintenant comprendre comment, en tout cas, moi j'avais organisé le drive, et on s'en sort très bien comme ça. Là, ce qui a été dur, mais comme pour tout le monde dans le confinement, c'est qu'il y a une multitude de supports proposés. Donc j'ai eu la chance d'avoir Marlène, qui est notre directrice pédagogique, qui connaissait pas mal de ces outils et pouvait m'orienter en me disant très efficace, moins efficace, etc. Donc ça c'était super. Et puis on a aussi fait beaucoup de vidéos. En revanche, on n'a pas innové sur l'organisation, mais on a fait beaucoup de vidéos. Alors au début, je les ai fait pour les leçons de questionner le monde. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, pour questionner le monde, on va essayer de répondre à la question de la semaine dernière que je vous avais posée. Je vous avais demandé, voilà, maintenant il y a notre plante de haricots qui a poussé, et en fait, comment est-ce que... Je trouvais ça sympa, en fait on avait un projet en cours, donc je voulais le continuer, je leur montrais, j'avais rapporté ma graine de haricots à la maison et les expériences, du coup je trouvais ça sympa de pouvoir leur montrer tout ça. Et tout en haut, ça continue, et il y a plein d'autres petites feuilles qui poussent. Elle est devenue super grande. Mais pour l'instant, je n'observe toujours pas de graines de... Et puis pour certaines leçons aussi, où je manipule du matériel en mathématiques, je trouvais ça bien de filmer. Et puis après les vacances, on avait envie un peu de recréer le côté bilingue qu'on a perdu au début du confinement. Et donc on a fait des vidéos à deux avec Gabi. Donc on s'est mis sur Zoom et on s'est enregistré et on traduisait un petit peu comme on fait en classe habituellement. Donc là, on a fait ça. On a proposé aux enfants qui étaient disponibles de se joindre à nous sur le Zoom. Et aux autres, bah, on a enregistré la session. Et donc, ils ont pu retrouver en replay notre petite lecture d'album. This is a new book for our new life studies study. And in English, it's called Here We Are. Et en français, Nous Sommes Là. And the name of the author is called Oliver Jeffers. So maybe you've read other books from him. Oui, Oliver Jeffers, qui est anglais. Yeah. Voilà. Une journée type pour moi, ça commence par ouvrir mes mails et commencer à répondre aux mails. Donc j'ai vraiment découvert ce que c'était parce qu'on a un métier où on travaille peu avec les mails quand même. Donc voilà, ça commence par ça. Et puis, j'ai souvent à 10h une première séance individuelle parce que j'ai fait des séances individuelles pour avancer en lecture. J'ai tenté le collectif et puis j'ai pas trouvé ça adapté. Donc, j'ai fait de l'individuel en lecture. Et puis, ce qui est quand même super agréable dans ces séances individuelles, c'est qu'on retrouve en début de séance, on prend 5 minutes et à la fin aussi pour se raconter un petit peu nos vies. Et ça, c'est un lien que moi, j'adore avec les élèves et qui, d'ailleurs, a été encore plus présent finalement dans ces séances en ligne parce qu'on a vraiment du temps à deux à ce moment-là et puis il n'y a pas l'horloge qui tourne pour... Voilà, pour avancer dans la journée de classe. Donc là, c'est vraiment sympa. Et puis ceux qui n'étaient pas là, ils montraient voilà où ils étaient, ceux qui avaient fait des... On a montré nos constructions. Moi, j'ai montré aussi ce que j'avais fait chez moi, de mon côté. Donc ça, c'était très rigolo. Et ça permet de commencer la journée en douceur aussi. Et puis après, à 11h, j'ai une séance collective, donc soit de maths, soit de grammaire, soit de lecture en groupe. Je prends un petit temps quand même avant, soit j'ai eu le temps de la préparer la veille, mais parfois je finis de préparer ça juste avant. Et donc j'ai cette séance collective qu'on n'a pas fait au tout début, mais qui dès qu'on a fait, ça nous vraiment donné la sensation d'être à l'école à nouveau. Donc, bien sûr, on a eu beaucoup d'ajustements parce qu'au début, on entendait toute la maison, on entendait les discussions parents-enfants et c'était difficile, en fait, de mener une séance. Mais on a rapidement, en fait, appris et compris comment on pouvait faire fonctionner ça en ligne. Et puis, voilà, en général, j'ai 2-3 mails qui sont arrivés, donc je finis par y répondre. Et l'après-midi, je recommence à 14h. Pareil, j'ai souvent une séance individuelle aussi. Et ensuite, j'ai soit des réunions d'équipe, soit des appels avec Gabi pour qu'on fasse des vidéos, et soit de la préparation pour les jours qui suivent, quoi. Et je finis ma journée quand même assez tard, finalement, et il y a des mails qui reviennent assez tard, et c'est difficile aussi de gérer ça quand on connaît pas trop. Alors en fait, c'est une charge de travail qui est différente. Donc moi, j'ai un peu ressenti que c'était plus important. Gabi, on en parlait l'autre jour, elle trouve que c'est moins important. Je pense que c'est vraiment une question de ressenti parce que en effet, si je prends mes horaires stricts, c'est moins que d'habitude. Mais parce que là, tout est nouveau, on n'est pas habitué du tout à être derrière un écran toute la journée. Et là, tout d'un coup, on est vraiment derrière un écran. On ne sait pas encore gérer justement cet afflux de mails quand il y en a... Et donc j'ai trouvé que c'était beaucoup. Et ce qui était beaucoup aussi pour moi, c'était de rendre lisible pour les parents, en fait, ce que d'habitude moi je fais. C'est-à-dire que en classe, quand je prépare, en fait, il y a toute une partie qui est dans ma tête que j'ai pas besoin de rédiger parce que j'ai un peu d'expérience, parce qu'il y a des automatismes du métier. Et donc là, en fait, il faut rendre lisible toute cette partie qui est dans ma tête pour les parents. Parce que c'est vrai que nous, en cycle 2, on peut pas avoir la prétention de dire que nos élèves vont travailler tout seuls. C'est pas possible. Donc sans les parents, il y aurait pas de suivi et de continuité pédagogique. Donc on leur doit beaucoup pour ça. Mais ça demanderait un travail, je trouve, de tout verbaliser. Et puis d'adapter aussi, parce qu'il y a plein de choses qu'on ferait en classe qu'on peut pas demander à la maison. Donc il faut simplifier, s'adapter au matériel que chacun a, etc. Alors, en termes de projet, du coup, on était en milieu de période quand on est parti en confinement. Donc, on en avait plein. C'était une période avec plein de projets différents. Donc, il y en a qu'on a gardé. Notamment, c'est tout un projet sur les plantations. Donc, ça, on a pu garder. J'ai rapporté un maximum de choses chez moi et puis on a pu continuer. On avait un projet d'écriture, de correspondance, mais qui était un travail de groupe où il y avait vraiment des discussions, des votes à faire, etc. On aurait pu l'adapter, mais fallait faire des choix et je pense que à ce moment-là, c'était vraiment compliqué de le continuer. Donc on a arrêté ça. Il y a un projet qu'on a voulu continuer, on avait travaillé aussi sur les champignons, mais ça c'est tombé à l'eau parce que ça a mal poussé chez moi, donc on a abandonné un peu à cause des conditions. On n'a pas fait de gros projets, mais il y a eu un projet au niveau de l'école. 1, 2, 3, 4. Où il y a eu une musique enregistrée par chaque enfant, enfin pas par chaque enfant mais par tous ceux qui voulaient participer, et on a fait une vidéo commune qui était très sympa. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens. Je trouve que quand même globalement, on a la chance d'avoir des enfants qui sont bien entourés et du coup, je trouve que ça a été assez positif pour eux quand même. Ça a été préjudiciable sur certaines choses. Il y a des enfants qui sont beaucoup en besoin de relations sociales et qui sont enfants uniques à la maison, et je pense que ça a été un petit peu dur pour eux. Du côté positif, je pense que ça a aussi aidé beaucoup d'élèves dans les apprentissages, et j'ai vu des progrès qui se sont faits super rapidement. Donc ça, c'était vraiment génial aussi de pouvoir continuer à voir les progrès de certains enfants. Même si on était à distance. Donc je pense que à la fois en fait le soutien qu'on leur a apporté et puis l'aide de leurs parents en fait, parce que finalement en classe on est un enseignant, enfin là on est deux enseignantes dans la classe pour tous les élèves, mais finalement à la maison, bah quand les parents les aident, il y a vraiment un adulte pour l'enfant. Donc je pense que ça, pour certains, ça a été bénéfique. Je pense aussi pour d'autres que de passer quand même autant de temps avec ses parents, c'est une grande chance qu'ils ont pas souvent, et ça je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont apprécié aussi cette qualité en fait de vie qu'on a en général pendant les vacances, mais c'est jamais autant. Ce que j'ai bien aimé, te lever tard. Ouais, me lever tard. Alors pour la suite, je pense que ce qui va changer, on va vraiment le découvrir là, justement dans cette période où on est à la fois en présentiel et en distanciel, parce que là on va avoir une nouvelle étape qui va nous apprendre beaucoup et qui probablement nous apprendra des choses sur comment on va faire l'école après, parce que on sait pas encore comment ça va être après, mais on sait tous que ça pourra plus être comme ça l'était avant. Donc clairement, cette étape-là va nous apprendre beaucoup. Il y a une autre chose qui est particulière là du coup à la Lab School, mais en effet, je pense que les parents étaient quand même très contents d'avoir ce suivi-là. Et donc, à titre plus personnel finalement, je pense qu'il faudra trouver un moyen de pouvoir garder cette communication-là avec les parents. Donc nos relations, elles sont très bonnes, et ça c'est pas par rapport à ça, mais plus par rapport au suivi des apprentissages. Comme je disais avant, comme on donne pas de devoirs, ils avaient pas forcément de retour sur ce qui se passait vraiment. Donc là, je pense que ça va nous permettre de réfléchir à voilà comment est-ce qu'on fait pour garder cette chose-là, parce que finalement, on se rend compte que voilà, c'est des énormes partenaires, et c'est grâce à eux que beaucoup ont progressé et ont fait que cette continuité pédagogique était réussie. C'est les deux choses qui sont importantes. Et puis la troisième, c'est les outils numériques. Parce que justement, là, je suis en train de réfléchir déjà, comme on va avoir la double casquette distancielle-présentielle, Je suis en train déjà de réfléchir avec les plus grands, parce que du coup dans la classe il y aura des enfants du CP au CE2, de l'enfant qui est pas du tout autonome à celui qui est plus autonome. Donc là, comment est-ce que moi je peux utiliser des outils numériques pour voilà, pour que ça avance et qu'ils puissent être davantage autonomes et rester en lien en fait avec ceux qui sont encore à la maison. Moi,